107.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Sylvie qui est la trésorière de l'association Bulle Rose. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nos auditeurs ? Eh bien, donc, moi je suis la trésorière de l'association que j'ai rejoint il y a maintenant 5 ans, avec différents postes qui ont évolué avec les années. Et depuis quand est-ce qu'elle existe, l'association Bulle Rose ? Alors, l'association Bulle Rose, elle existe sous ce format concert solidaire. Ça va être la 4e édition, sachant que, évidemment, il y a eu la coupure avec la Covid. Et qui l'a créé, l'association ? Alors, l'association, moi, je l'ai rejoint. C'était un duo d'amis. Donc principalement à l'initiative de Lucie et Delphine. Donc Lucie étant kinésithérapeute spécialisée justement dans le drainage lymphatique et qui a donc soigné une amie, Delphine. Et c'est parti de leur idée de vouloir faire en fait quelque chose, un événement pour célébrer Octobre Rose, pour soutenir la recherche contre le cancer du sein, mais d'une façon un peu plus ludique et un peu plus sympa pour montrer justement que rien n'est perdu, quoi. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de la rejoindre, vous, l'association ? Alors, moi, à l'époque, ils avaient fait lancé un appel par l'intermédiaire des mairies. À l'époque, j'étais conseillère municipale et en plus, étant sage-femme, forcément, ça résonnait, quoi. Et donc, j'ai rejoint leur association. Et puis, c'est devenu des amis. Et maintenant, on fait ça vraiment entre amis. Et ça nous a soudés d'autant plus. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collaborateurs, des personnes qui travaillent avec vous ? Alors, le collaborateur, déjà, tout principalement, la mairie de Sainte-Marguerite et monsieur le maire, car sans eux... ça serait difficile d'organiser cet événement du fait qu'ils nous prêtent la salle, une grande partie du matériel, gratuitement justement pour toujours augmenter et avoir plus de bénéfices à pouvoir reverser. Puis en plus, tous nos sponsors, des sponsors qui donnent en nature, qui peuvent nous permettre en don. De financer, d'aider à tout ce qui est la préparation, l'achat du matériel, autant dans les boissons, dans le matériel en lui-même. Et puis d'autres personnes qui vont venir donner de leur présence, quoi. Un coup de main, même si c'est un temps intenté, pas forcément le jour de l'organisation, mais ça peut être en amont, ça peut être en aval. On a vraiment une bonne équipe qui peut se renouveler tous les ans. D'ailleurs, j'en profite, si certains veulent nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Et comment est-ce qu'on peut faire un don pour vous aider ? Alors, un don, on peut faire des dons par chèque, par virement, du fait qu'on est une association 1901 reconnue d'utilité publique. Donc nous, on a le droit et on fournit un CERFA qui permet d'avoir une réduction d'impôt. Donc on a notre compte et pour nous contacter, soit par Facebook, soit par Instagram, à Bulle Rose. Nous allons maintenant parler d'un événement qui se déroulera le vendredi 13 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh bien, donc, cet événement, c'est pour la 4e année des concerts solidaires, donc dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, avec 4 groupes qui vont se succéder, 4 groupes assez éclectiques. On va avoir des ouvertures des portes dès 19h avec à 19h15, on a Jazz Oil. C'est un groupe spinalien autour du jazz, un jazz bien dynamique. Ils sont assez nombreux sur scène. Puis on aura No Chill Tangerine, donc ça c'est un groupe de jeunes au niveau d'Audacy. Ensuite, Julien Maddy qui revient pour la deuxième fois consécutive, qu'on ne présente plus, qui est relativement connu. C'est quand même presque notre tête d'affiche de la région. Et puis à la fin, c'est les Buddy's Cab. Donc ça c'est un groupe de reprise pop-rock. C'est un groupe aussi de Saint-Dié. Alors, présent sur place, buvette, restauration. Il y en a la présence de 3 food trucks. On a une buvette où on pourra se désaltérer autant en bière, vin et boissons soft. Avec une ouverture des portes donc à 19h, une entrée de 7€ par adulte et 3€ pour les moins de 12 ans. Et c'est quoi un concert solidaire ? Donc, concert solidaire, et ben en fait, nous, on ne va rien garder pour l'association. Et c'est un concert caritatif où tous les bénéfices vont être reversés à l'ICL, donc l'Institut de cancérologie de Lorraine. Et avec des projets que, en fait, nous choisissons. Donc, c'est-à-dire qu'on leur reverse l'intégralité des bénéfices, mais on peut aussi choisir le projet à laquelle on va adhérer, auquel on va adhérer. Donc, ce qui est important aussi, parce que, ben, justement, les gens qui maintenant nous connaissent peuvent savoir réellement où va aller l'argent et à quel projet. Et comment ça se met en place, un tel événement? J'imagine que ça prend beaucoup de temps. Ben, on y travaille. Bon, maintenant, on va pas dire qu'on est rodé. Hein. Il y a toujours des petits détails à régler, mais ben, ça se fait tout au long de l'année, en fait. Hein. Dès février, on commence à se réunir pour trouver des groupes, parce que je voudrais aussi saluer tous les groupes qui viennent à cette manifestation. Ils viennent de façon bénévole, donc c'est important aussi pour eux de venir jouer pour la bonne cause et de participer à leur manière aussi à faire en sorte que ce soit possible. Et puis, ensuite, tout au long de l'année, on va définir nos groupes. Bon, une fois qu'on a nos groupes et qu'on trouve nos food trucks, après, c'est réglé, quoi, quasiment. Après, on a aussi la chance d'avoir nos partenaires qui nous suivent quand même maintenant depuis plusieurs années et qui sont toujours fidèles au rendez-vous. Donc, voilà, maintenant, un petit appel, un petit mail et ça y est, les choses sont lancées, quoi. Donc je les remercie aussi beaucoup, j'en profite pour saluer et remercier tous nos sponsors qui sont fidèles. Vous aviez parlé des artistes tout à l'heure, mais à quelle heure passe chaque groupe ? Alors, Jazz Oil à 19h15, No Child Tangerine à 20h15, Julien Maddy à 21h30 et les Buddy's Cab à 23h qui pourront prolonger la soirée. Est-ce qu'il faut réserver pour participer à cette manifestation ou pas ? Alors, on avait déjà essayé, mais pour nous, techniquement, c'est un petit peu trop compliqué pour pouvoir gérer les réservations. Donc, on s'arrange et en fait, sur place, il n'y a pas de souci, on arrive à gérer à ce moment-là au niveau des entrées. Et qui s'occupera, par exemple, de gérer la buvette ? Est-ce que ce sera les bénévoles ? Alors c'est nous, oui. Oui, on a toute une équipe où on gère chacun nos postes. On a créé justement aussi des jetons roses qui nous permettent d'acheter. On a préparé des petits sachets de 10 jetons et en même temps que vous achetez votre billet, vous achetez vos jetons et après vous pouvez vous diriger et ça permet de vous payer la buvette. Il n'y a pas d'argent qui circule comme ça sur toute la soirée. Par contre, les food trucks, eux, fonctionnent en autonomie. Ils sont là pour que nous, on puisse offrir un petit plus, que la soirée soit plus sympathique, quoi. Alors, vous organisez ce concert à l'occasion de Octobre Rose, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut retrouver l'association sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, à Bulle Rose. On a une page Facebook et une page Insta. C'est réactif, généralement, dans nos réponses. J'ai vu sur Internet que vous organisez un événement aussi le 10 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah oui, alors ça, c'est un partenariat, en fait, avec le cinéma art et essai de Saint-Dié. l'Excelsior. Et en fait, donc nous, on va se présenter. Eux, on choisit, on leur a laissé quand même le choix de nous choisir le film. Et donc, c'est un simple partenariat où on pourra assister à deux projections. Et eux, ben, les bénéfices, nous les reversent également à notre association que nous reverserons à l'ICL. Quels sont vos futurs projets avec l'association ? Eh bien, trouver de nouveaux groupes pour pouvoir refaire une nouvelle manifestation l'année prochaine, principalement. Et puis après, on verra dans notre évolution, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association Bulle Rose ? Oh ben, nous souhaiter que grâce à nos concerts solidaires et à toutes les manifestations Octobre Rose, ben, qu'on puisse réellement avancer sur le cancer du sein, sur la recherche pour vaincre cette maladie. Cette interview est maintenant terminée. Sylvie, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que de nombreuses personnes iront voir le concert qui se déroulera le vendredi 13 octobre à la salle des fêtes de Sainte-Marguerite. Eh bien, on vous attend nombreux. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde!